Merde. J'ai tout fermé les trucs. Bon, en tout cas, Edo, je compte sur toi. Ah oui, il y a quelqu'un, merde, excuse-moi. I'm sorry, Mr. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ de ce que l'on pense. Je fais mon chemin, je m'en fous du lendemain. Wow. Yeah. En fait, il y a quelqu'un sur le serveur. Ouais. Moi, je m'en balance de ce que l'on pense. À bientôt, Edo. Je compte sur toi. I said Monday. No, was set me. Tiens, j'ai envie de faire du Oasis. Two days. The world. You know this. I say Monday. Two days. Two days ago, not anymore. I'm looking for the lyric. Bon, après, je vais boire un café. I said maybe. Voilà. Wonderwall, yes. Just a minute. Blackbeard, today. Oh là là, ça craque. Some problem with my sound card. Comme d'habitude, ça craque. C'est chiant. Oh là là, ça craque. Just a minute. Ok. Some problem with my card. Sound card. Alors, les paroles sont là. Faut que je me cale sur la mesure. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, ok, t'as dit ok. Because maybe. Ah, ça fait comme ça. Start to measure one. Oh putain, ça craque. C'est chiant. Après, je connais pas. The road we have to walk and are worthy. As the London is unveiled and we're blinding. There's a many things I would like to say to you now. I don't know. It's not possible to play all the song because too many measures. I just play the. Comment on dit couplet en anglais? Je sais pas. Je suis très bon, très mauvais en anglais. The first part, okay? Okay? Today it's gonna be. Merde. I'm sorry. Start one. Attends, ça fait combien de mesures ça? Mais y a pas besoin. Ça fait en 16, c'est bon. Yes. I change. C'est, ça doit suffire. Putain, même en 8, ça suffisait, quoi. Putain, si je savais pourquoi ça craque comme ça. C'est ça qui craque là. Ah non, il y a une autre page ouverte, c'est pour ça. C'est quoi cette page? Une? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends, je suis bloqué là. Computer, au secours. Au secours, mon computer. Putain d'ordinateur. La page, elle... Putain, je vais être obligé de faire quoi, là? Bon, il y a l'ordinateur qui veut. Je suis obligé de me reconnecter parce qu'il y a un problème. Je sais pas pourquoi. Je vais me reconnecter.